une bergère qui comptait sur ses doigts. Combien faudrait-il de copecs pour avoir enfin un mouton qui soit à moi? Vint à Passy un archevêque qui lui dit: prends ce copec, il est à toi. Il était une fois dans l'Est une bergère qui comptait sur ses doigts. Combien faudrait-il d'archevêques pour avoir enfin un mouton qui soit à moi? Vint à Passy un archiduc qui lui dit: prends l'archevêque, il est à toi. Il était une fois dans l'Est une bergère qui comptait sur ses doigts. Combien faudrait-il d'archiducs pour avoir enfin un mouton qui soit à moi? Vint à Passy le fils du tsar qui lui dit: prends l'archiduc, il est à toi. Il était une fois dans l'Est une bergère qui comptait sur ses doigts. Combien faut-il de tsarevitch pour avoir enfin un mouton qui soit à moi? Vint à Passy le tsar lui-même qui lui dit: prends le tsarevitch, il est à toi. Il était une fois dans l'Est une bergère qui comptait sur ses doigts. Combien faut-il de tsar lui-même pour avoir enfin un mouton qui soit à moi? Vint à Passy le fils du peuple qui lui dit: vends ton pays, il est à toi. Vint à Passy le fils du peuple qui lui dit: vends ton pays, il est à toi. Et ces moutons et ses chevaux, et ses moissons, et ses bateaux, et ses chansons, et ses oiseaux, et ses usines, et ses forêts, lors de ses mines, et de ses forêts, et ses rivières, et son pétrole, et son soleil, et ses étoiles, et ses abeilles, et ses guitares, et son histoire, et ses poètes, et son histoire, et ses poètes.